Chapitre 28e. Bien que marchant à petits pas, ils ne tardèrent pas à arriver devant la maison meublée de la rue de Sèze. « C'est ici, » dit Erol. Une fois encore, elle voulut dégager son bras, et elle murmura quelques paroles inintelligibles, mais ni l'effort de sa volonté, ni celui de son bras n'étaient bien puissants. Elle était sous la domination de celui qu'elle aimait, et subjuguée, entraînée par lui, elle était incapable de résistance. Un engourdissement délicieux l'avait saisie. Elle ne se sentait plus vivre de sa propre vie. Elle n'était plus elle-même. Ses impressions et ses perceptions avaient pris une acuité surnaturelle. Le petit bouquet de violettes qu'elle portait à la main l'enivrait. Le bras d'Erol la brûlait. Le garçon si perspicace à qui Erol avait eu affaire était devant la porte, les mains dans son tablier blanc. Il prenait l'air. En voyant son locataire arriver avec une femme au bras, il laissa paraître un sourire de satisfaction, comme si cette jeune femme lui plaisait et lui paraissait digne d'entrer dans cette maison respectable. Mais après un rapide coup d'œil, il tourna sur ses talons et, livrant le passage, il alla dans la cour se placer devant le tableau des sonnettes. Sa pantomime était parlante. « Si monsieur a besoin de quelque chose, il n'a qu'à sonner. Champagne, liqueur, pâtisserie, il sera servi aussitôt. » Erol portait la clé de son appartement dans sa poche. Il ouvrit et fit passer Juliette devant lui, puis vivement il referma la porte. Juliette entendit un bruit de serrure et de verrou qui lui fit froid au cœur. Mais elle n'eut pas le temps de se laisser aller à cette impression. Erol s'avançait vers elle, les bras tendus, les yeux brillants, les lèvres ouvertes. Avant qu'elle pût faire un mouvement, ses bras l'étreignirent. Avant qu'elle prononçât un seul mot, ses lèvres lui fermèrent la bouche. Sans penser qu'elle voulait le repousser et se défendre, elle lui jeta les bras autour des épaules, et le serrant dans une étreinte passionnée, elle se renversa contre lui la tête en arrière, les yeux clos, éperdus, défaillantes. Doucement, et sans desserrer l'étreinte par laquelle ils étaient unis, il l'entraîna dans la chambre. Il les glissait sur le parquet comme s'il n'avait plus tenu à la terre. Il la fit asseoir sur le canapé, et il commença à lui ôter son chapeau et son manteau. Mais ses mains tremblaient, et dans un mouvement maladroit, il détacha le peigne qui retenait le chignon de Juliette, et alors les cheveux en deux grosses nattes se déroulèrent. C'était la première fois qu'il voyait cette chevelure dans sa splendeur naturelle. Il prit les nattes dans ses mains et respira leur parfum en les embrassant. S'étant reculée, elle le regardait avec un doux sourire. « Tu es fou, » dit-elle. « Je t'adore. » Il se mit à genoux devant elle, les mains jointes, prosternées. Mais tout à coup, en même temps, ils baissèrent les yeux, ils se sentaient rougir. Leur amour les entraînait, et par un sentiment de retenue instinctive, ils voulaient lui résister. Relevant les yeux pour la première fois depuis qu'elle était entrée, elle regarda autour d'elle. « Que de fleurs !» dit-elle, pour détourner le cours de leurs idées. « J'ai cru qu'elle te plairait. C'est le goût avec lequel elles sont arrangées qui me plaît surtout. » Elle voulut se lever pour aller voir les fleurs de plus près, mais il la tenait par le poignet et la retint doucement. « Et moi, » dit-il, « c'est moi qu'il faut regarder. C'est à moi qu'il faut donner ses grands yeux. » Elle se tourna vers lui et le regarda avec ravissement. « Et tu ne voulais pas venir ? » s'écria-t-il. « Il a fallu te tromper, t'entraîner. Regrettes-tu d'être venu maintenant ? » ?»« Tu as bien fait. Il faut toujours m'entraîner. » Il y a en moi un sentiment qui m'oblige de te résister. Mais ton influence est plus puissante que ma résistance. Tes yeux sont plus forts que les miens. Il y a en toi un charme qui me dompte et me ravit. Loin de toi, je me reproche de t'avoir cédé, mais près de toi, je te cède avec bonheur. » Elle lui passa les deux bras autour du cou. Il restait ainsi, perdu dans leur enivrement, lorsque tout à coup un cri d'enfant retentit auprès d'eux. Juliette releva la tête et écouta. C'était la voix d'un enfant de 4 ou 5 ans qui pleurait dans la cour sur laquelle ouvraient les fenêtres de la chambre. « Qu'as-tu ? » demanda-t-il, n'étant pas touché par ce cri qui pour lui n'était qu'un bruit comme un autre, et qu'il n'avait pas plus remarqué qu'il ne remarquait le roulement des voitures. Elle ne répondit pas et resta la tête levée, l'oreille tendue. « Viens, » dit-il, « viens, chère Juliette. » Elle le repoussa doucement. « Qu'as-tu ? Qu'as-tu donc ? » Elle se dégagea vivement. Les cris de l'enfant avaient redoublé et la voix avait pris un accent lamentable. « Une voix d'enfant, » dit-elle. « Oh, c'est impossible. » Il voulut la retenir. « Francis, je vous en supplie, » s'écria-t-elle. « Laissez-moi. Écoutez cette voix d'enfant qui me rappelle à moi-même. Je ne suis pas libre, je ne suis pas une femme, je suis une mère. » Parlant ainsi, en mots entrecoupés, l'œil hagard, les mains tremblantes, elle relevait ses cheveux et les tordait en un simple nœud, puis elle prenait son chapeau et son manteau. Il la regardait avec stupéfaction. Elle avait mis son manteau et réparé tant bien que mal le désordre de sa toilette. Elle se dirigea vers le salon, il la suivit. « Ouvrez-moi cette porte, » dit-elle, et comme elle vit qu'il tenait les yeux fixés sur elle avec une expression d'étonnement, « Pauvre ami, » dit-elle, et elle lui tendit la main. « Non, je ne suis pas folle, mais il faut que j'aille à nos gens. C'est mon enfant qui m'appelle. Laisse-moi partir, ouvre cette porte. » Il voulut dire quelques mots, et il voulut la retenir, mais elle était dans un état de surexcitation à ne rien entendre, à ne rien comprendre. « La porte, » répétait-elle, « la porte. » Ému par la pitié, poussé par la colère, il ouvrit la porte. « Passez, » dit-il. Elle prit son bras. Lorsqu'ils arrivèrent dans la rue, un coupé de remise passait. Elle fit signe au cocher d'arrêter, et celui-ci vint se ranger le long du trottoir. « Monte, » dit-elle à Hérol, « tu viens avec moi. » Puis s'adressant au cocher, « À nos gens, » dit-elle, « et vite. » Puis elle monta dans la voiture, et comme si elle s'était trouvée au milieu d'un bois solitaire, au lieu d'être dans une rue pleine de passants et de curieux, elle prit la main d'Hérol et la baisa. « Pardonne-moi, » dit-elle. Ils étaient déjà sur le boulevard, et 50 personnes pouvaient les voir, 10 pouvaient les reconnaître, car les stores de la voiture n'étaient pas tirés et les glaces étaient ouvertes. Hérol, qui avait conservé son sang-froid, les ferma. « Je n'ai pas peur, » dit-elle. « Si l'on nous voit, tant pis. Je ne veux pas que tu puisses douter de mon amour. » Il ne doutait pas de cet amour, mais il était au fond du cœur blessé de la façon dont il se manifestait. Cet accès de maternité l'avait exaspéré. Cependant, après le premier mouvement de la surprise et de la colère, il se laissa toucher par l'émotion de cette pauvre femme éperdue, qui, pour prouver son amour et bien marquer ses regrets, l'eût volontiers serré dans ses bras devant tout Paris. D'ailleurs, il avait mieux à faire que de l'accuser ou de se plaindre, c'était de faire renaître l'occasion qui venait de lui échapper et de préparer une nouvelle entrevue. Ce fut à cela qu'il employa son temps pendant leur voyage de Paris à Nogent. Mais ils étaient déjà arrivés dans le bois, et la voiture avait dépassé le chalet de la Porte Jaune qu'il n'avait encore rien obtenu. Des paroles vagues, des assurances d'amour, des serments appuyés par des caresses et des regards passionnés, mais pas un engagement formel précisant le lieu, le jour et l'heure de leur prochain rendez-vous. « Je te verrai, je te le jure, je trouverai des moyens. » Il avait voulu parler de la rue de 16, mais elle s'était si vivement défendue qu'il n'avait pas pu insister. Elle était encore sous le coup de l'émotion qui venait de la frapper, et ce n'était point le moment pour la faire revenir des préventions qu'elle pouvait avoir. Cependant, ils allaient atteindre les premières maisons du village. Il fallait prendre une détermination quelconque. Elle promit de le voir le vendredi suivant, dans le parc de Monceau, en sortant de chez sa mère. Elle fut exacte à ce rendez-vous, et pendant plus d'une heure, ils se promenèrent côte à côte dans les allées du parc, croisant 1000 personnes, parmi lesquelles il pouvait s'en trouver qui les connaissaient. Hérol lui représenta ce danger en lui démontrant qu'une entrevue dans une maison, quelle qu'elle fût, les exposait 100 fois moins. Mais elle ne voulut rien entendre. Elle lui promit de revenir le mardi suivant, et d'ici là, de lui écrire s'il irait au théâtre ou dans un autre lieu public où ils pourraient se rencontrer. Alors commença pour eux une vie étrange, pleine de joies imprévues et de périls imprudemment bravés. Elle se fit conduire par son mari à tous les théâtres, et chaque fois elle avertit Hérol par une lettre de se trouver dans un coin de l'orchestre. Puis ils se virent régulièrement aussi le mardi et le vendredi. Ils passèrent une heure en tête-à-tête, soit dans le parc Monceau, soit en voiture, en promenade, sur les boulevards extérieurs. Chaque fois, Hérol, qui poursuivait son but, lui démontrait le danger de ses entrevues, mais elle fermait l'oreille. « Faut-il ne plus nous voir ? » disait-elle. Cependant, ce danger lui fut signalé d'une façon qui lui donna sérieusement à réfléchir. Un jour, M. Descloiseaux lui dit devant son mari « Je vous ai rencontré hier, boulevard Magenta, en voiture. »« Vous avez vu double, » dit Adolphe. « Ma femme a été seulement au boulevard Malesherbes. » « Vous n'avez plus vos yeux de 20 ans, il faut mettre des lunettes. » M. Descloiseaux, sans se fâcher, accepta les plaisanteries d'Adolphe. « J'ai bien vu, » dit-il, et madame était dans le coupé numéro 2893. Juliette ne daigna pas se défendre et elle tourna la tête sans prêter plus d'attention à cet entretien que s'il ne la touchait pas. M. Descloiseaux n'insista pas ce jour-là. Mais le lendemain, il revint à la charge, cette fois en arrière d'Adolphe. Il avait l'habitude de venir en effet très souvent rue des Vieilles Haudriettes, et sous prétexte de profiter d'une bonne occasion et de saisir au passage une pièce rare qu'on apportait à la fonte, de s'installer dans les bureaux. Au moment où Juliette traversait la grande salle pour entrer dans le cabinet de son mari, il l'arrêta. « Le numéro 2893 a été pris avant-hier boulevard Malesherbes, dit-il, par une dame seule. Un monsieur est monté avec cette dame au coin de la rue de Constantinople. Il est resté avec la dame jusqu'au coin du boulevard Magenta et du boulevard extérieur. Là, il est descendu et la dame s'est fait conduire rue de Rambuteau où elle a quitté sa voiture. Sans doute, vous n'étiez pas la dame puisqu'il y avait un monsieur. Je suis disposé à reconnaître que je me suis trompé. Mes yeux de 20 ans. » comme disait Adolphe. « Le voulez-vous ? » Sans répondre, sans même le regarder, elle passa dans le cabinet de son mari.